J'enlève les effets, voilà. En fait, ta batterie, tu la cales. Et après, tu choisis le nombre de mesures que tu veux. Ben, en fait, il faut que tu... Je sais pas, c'est quoi comme batterie ?